Donc, vous avez donc du goût. Parce que vous écoutez le palmarès, c'est fou. Bienvenue au Palmarès Info pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2008. Je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle Virginie Cossette avec la grippe cette semaine. Oh, avec la grippe. Et quel est donc de retour au Palmarès Info? Oui, pour 3 semaines consécutives, c'est la joie, nous sommes heureux. Je capote, comme dirait l'autre. Et moi aussi, je capote. Quelques nouvelles entrées, enfin, il y en a 5 dans les Palmarès Info cette semaine. Du côté anglophone, on va retrouver la formation The Hives qui nous revient avec la pièce Won't Be Long. On a aussi Creature avec une pièce qui s'appelle Brigitte Bardot. Et puis finalement, Gold Frap avec Caravan Girl. Et du côté francophone, étant donné qu'il y a 3 nouvelles entrées du côté anglophone, on en a 2 du côté francophone. Logique. Hey, mes maths aujourd'hui, je suis bonne. On a donc Chocolat avec Piano Élégant et Pas Chic Chic avec Aidé Morcelé. Ben regardons ça, on commence justement par Chocolat avec Mais Piano oui, Élégant. Yes, je l'ai fait à l'envers. Leur album s'appelle aussi Piano Élégant et ça commence comme ceci dans les Palmarès C'est Fou au 89.1. Thank you. for the good times, won't be around for the bad, and I won't stick around in this town. No, I'm getting out instead. La formation The Hives avec Won't Be Long de leur album The Black and White Album, nouvelle entrée en 15e position anglophone. J'adore ça! C'est très bon, hein? J'ai vraiment l'impression de me répéter à chaque fois qu'il y a des nouvelles entrées et dire que j'adore ça, mais... Mais c'est toujours bon! C'est toujours bon, mais ça groove! Ouais. Il y avait eu la pièce Tic Tic Boom sur les palmarès récemment, ici assez fou. Maintenant, ça a comme percé comme pièce, hein? Ouais. Hein? Et là, on a la pièce Won't Be Long. Et je m'ennuie de la pièce Tic Tic Boom, pour vrai. Ben, moi aussi. On s'en écoute ça un petit bout. On pourrait. On s'en écoute. On écoute okay. Le début. Juste pour voir. Juste pour la fin. Avec la fin. Ah, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Oh, juste vas-y. Okay. Capable. All right. Troy Green. Maintenant, explique-moi comment on peut être malheureux en écoutant ça. Comment? Que du bonheur! Que du bonheur, hein? Surtout dans les studios. On plante des petites graines de bonheur au palmarès, c'est fou. Oh, c'est beau. Donc, voilà, ben, pour nos positions numéro 15, Chocolat, Piano Élégant, The Hives Won't Be Long, très bonne nouvelle entrée. Oui. On a encore trois autres nouvelles entrées. Ouh là là! On commence par nos 14e du côté anglophone, c'est la formation Creature avec Bridget Bardot. Et du côté francophone, Pas Chic Chic avec Aidé Morcelé. Tout de suite, dans les panoramas, c'est fou, on a condensé la meilleure musique que c'est pouvoir vous offrir au 89.1. FM dans vos oreilles. Fou de toi, et pas des hauteurs, t'es levé, me lis, me lis. C'est fou à l'UQTR, R, depuis 10 ans. 10 ans. 4-4-89-1-1. Bardot. En 14e position anglophone, nouvelle entrée. Virginie, veux-tu me tousser une autre fois? C'est pas moi, c'est le fantôme. Ah, le fantôme. C'est notre stagiaire recherché, ce qu'on garde dans une cage au fond du studio. Oui. Qu'on libère une fois de temps. Comment il s'appelle déjà? Jean quelque chose? Ouais. Jean Chrysostome. Jean Chrysostome. Si je me rappelle bien. Jean Chrysostome à la grippe cette semaine. D'accord. Et du côté francophone? Du côté francophone, on avait Aidé Morcelé de Pas Chic Chic. Ah, comme toi un peu. C'était pas Chic Chic. Non, ouais, mais je pensais pas que le micro était ouvert. Ben, je pensais pas que t'allais être aussi pas professionnel. Ah. Il nous reste une seule nouvelle entrée. Et on va seulement aller écouter cette seule et unique nouvelle entrée du côté anglophone. Mais là, on va faire quoi après? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, sais-tu quoi? Ah, Gérald Gentil, c'est trop bon. Faut la faire jouer. Mais là, tu voulais pas couper ça? Ben, je pensais, mais en fin de compte, non. Moi, je pense que Gérald, il va être fâché si on fait ça. Et voilà. Fait qu'on va aller l'écouter. Son album s'appelle Le plus grand chanteur de tout l'étang. C'est pas une jeu de mots? Ah! Ça a pris du temps, mais... Oh, du temps! Ah, du temps! Ben, ça marche un peu moins, par exemple. Ouais, un peu. C'est quoi le nom de la pièce, déjà? Le nom de la pièce, c'est... Mon prénom, c'est Gérald, pas Gérard. Ah, bon. Mais moi, mon prénom, c'est Virginie. Ben, c'est ça, il me semblait. Ni Gérald, ni Gérard. Je suis sûr que c'est Virginie. Ouais, ouais, ouais. Pas mal, c'est fou. On fait ça, ouais. Voilà, Gérard Gentil. Non, moi, c'est Gérald. Approchez, mon cher Gérald. Merci. Merci, c'est gentil. Non, c'est parce que moi, c'est Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald. Pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald. Pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald. Pas Gérard, hein. Vous connaissez Picsou? Riri, Fifi et Loulou. Mais qui c'est qui est le dernier des canards? Si je vous dis Donard, non. Ça fait bizarre. Donard, non. Oh, ça fait très bizarre. Bah, je sais, mais moi c'est pareil. G et G, R A R A L D, Gérald. Non, pas Gérard, hein, Gérald. G et G, R A R A L D, Gérald. Non, pas Gérard, hein. G et G, R A R A L D, Gérald. Non, pas Gérard, hein, Gérald. G et G, R A R A L D, Gérald. Non, pas Gérard, hein. Vous aimez le jazz? Alors vous devez connaître des chanteuses de jazz? Mais qui c'est qui est cette chanteuse de jazz noire? Si je vous dis Fitzgerald, ça fait très bizarre. Oui, ça fait bizarre. Mais moi c'est pareil, hein. Dans quel sens? G et G, R A R A L D, Gérald. Non, pas Gérard, hein, Gérald. G et G, R A R A L D. Même des petits enfants y arrivent, hein. G et G, R A R A L D, Gérald. Non, pas Gérard, hein, Gérald. G et G, R A R A L D. À la fin de Gérard, c'est rare. À la fin de Gérald, c'est rare. On est plus rare que les Gérards. Et c'est fréquent quand nous appelons ce soir Gérard au lieu de Gérald. Mais à la fin de Gérard, c'est rare. À la fin de Gérald, Gérald, on est plus rare que les Gérards. Et c'est fréquent quand nous appelons ce soir Gérard au lieu de Gérald. Poulard, P-O-U, Pou, L-A-L-A-R-D-R-D. Bizarre, B-I-B-Z-A-Z-A, R-R-E-R-E-R. Ronald, R-O-R-O, N-A-N-A, L-D-L-D. Gérard, G et G, R A R A R D. G et G, R A R A L D, Gérald. Non, pas Gérard, hein, Gérald. G et G, R A R A L D, Gérald. Non, pas Gérard, hein. G et G, R A R A L D, Gérald. Non, pas Gérard, hein, Gérald. G et G, R A R A L D, Gérald. Non, pas Gérard, hein. Pas Gérard. Retour Gold, Frappe, Tricot Machine et Horror Pops, où ça? Palmarès! C'est fou? Palmarès? Palmarès? T'es où? C'est fou? Je suis où? Non, non, c'est pas c'est nous, c'est fou, c'est... Je suis perdu. Tout perdu. Vous écoutez les palmarès, c'est fou, et voici le numéro 13 anglophone, la dernière nouvelle entrée de ce côté-là, c'est Gold Frap. Caravan Girl, right now, can you hear it? C'est une fille de caravane. Attention, là, je vais ouvrir le micro, n'éternue pas là. Hein? Attention, fais attention. C'est pas moi, c'est le fantôme. Ah, excuse-moi. Goldfrapp, Caravan Girl, nouvelle entrée en 13e position anglophone. Oui, juste avant, c'était pas une nouvelle entrée, mais ma foi, une chance que t'as pas coupé ça parce que j'ai vraiment adoré ça. Je me répète encore, c'est vraiment très bon. À chaque pièce, oui. Oui, mon prénom c'est Gérald, pas Gérard. C'est pas Virginie? Oui. Tu m'as dit tantôt que c'est Virginie. Oh là, je sais plus, je suis qui. Oh non, qui es-tu? J'étais en pleine crise d'identité. Ça paraît. En pleine puberté aussi. Oui, oui. OK, donc avant de passer aux positions numéro 12, virons un petit peu le côté de la feuille. Non, changeons de page. Voici les palmarès ailleurs dans les palmarès, premièrement. C'est le nom de du segment, du bloc, oui, ailleurs oui. Dans les palmarès. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, les palmarès, c'est fou, ce n'est pas que quoi? Ce ne sont pas que le top 10, top 15, pardon, francophones et anglophones. Ce c'est sont aussi, aussi ouais. Le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et, n'oublions pas, le top 30 des albums. Hey, on est tellement bons, ça fait comme si ça faisait genre 3 mois qu'on est mis ensemble. Comme si on l'avait enregistré. enregistrer pour pas s'il plaît. C'est ça, pareil. Pareil. Coupé au montage. Donc, commençons par le top 10 électronique. Quelques nouvelles entrées. En fait, la moitié du palmarès, si je compte bien, sont des nouvelles entrées. Absolument. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, oui. Hey, tu comptes bien. En 10e position, c'est Covenant avec In Transit. En 7e, Robert Hood avec Fabric 39. En 6e, Schizophonic avec Schizophonic EP. 5e, Grand National avec By the time I get home, there won't be much of a place for me. Ok, je vais te laisser faire le top 3, rien que pour voir. En 3e position, on a Trouble Over Tokyo de... Avec? Non. Oui, avec Pyramids. Hey, je vais me démêler un jour. En 2e position, on a Tycoon avec 2AM. Et en 1ère position, et c'est aussi une nouvelle entrée, Tear Gas and Plate Glass avec Black Trage. Top 10. C'était bon, bravo. J'ai arrêté de mettre des S. Oui. Oui, il faut que je les félicite des fois au lieu de juste te critiquer. Merci. Top 10 Loud. La seule unique nouvelle entrée, la 4e, c'est Cavaliera Conspiracy avec l'album Inflicted. En 3e position, on a Pagan's Mind avec God's Equation. En 2e position, c'est d'ailleurs notre ancien numéro 1, Meshuga avec Obzen. Et en 1ère position, The Ocean avec Precambrian. On fera le top 3 des disques canadiens et top 3 des albums un peu plus tard dans l'émission, mais pour l'instant, on retourne. Oh, on a changé beaucoup de pages. Oui, temps, on l'a tourné longtemps. 12e position anglophone, c'est Horror Pops avec l'ancien numéro 4. Ouh là là. Ouch, Thelma and Louise. Et du côté francophone, on s'en va entendre Romain Savon de Tricot Machine. Yay! On est heureux. Tricot Machine, yay! Restez là, tantôt, on va faire le palmarès des pièces et des albums les plus joués dans les radios campus et communautaires du Canada. Ouh là là. Nouveau ça. J'aime ça. Avant Tricot Machine, au palmarès, c'est fou! Dans vos oreilles. Ouais. Hey, c'est à mon tour. Chanter. Depuis le temps que ça tourne en rond, j'ai peut-être la solution en mettant du savon. Je trouve déjà ça moins rough. Je sais que je fais les coins ronds. C'est à refaire de toute façon. On vit dans une sou à cochon, mais c'est pas pour demain, ni dans un avenir proche, que mon cœur comprendra ta raison. On cache clean la maison, je mets nos histoires à off. J'ai foutu autant de temps perdu. Laisse-moi balayer les larmes sur le plancher. Les choses se sont gâtées, regarde où on en est. Les assiettes sont cassées à cette heure. Pour s'en faire à croire, on est bon. Notre roman savon, notre édition de poche, on peut dire qu'on l'a écrit au son. On fait nos fanfarons jusqu'à ce que l'amour nous amoche. Mon ménage est détruit et le pavé reluit. Laisse-moi éponger le drame sur le plancher. Ferme dans les rideaux, ils ont eu tout un show. Scène de ménage est finie, tant pis. Going for a ride, my best friend and I wink and give her a smile. Cigarettes. Nothing is denied, the sky's our guide, and we cannot be confined, no. Engine is roaring, boats are steaming, hearts are blowing, freedom is forever, angels cannot fall, and devils won't be cool. We're just gonna drive, with skies flying high, no direction, just like Thelma and Louise, fears left behind, girls on a ride, no cage, just like Thelma and Thelma and Louise, the Horror Pops. Oh ouais! On aime ça. Je suis un peu déçue parce que ça a vraiment fait une chute. Ouais, c'était le numéro 12 la semaine passée. C'est ça, c'était le numéro 4 numéro la semaine 4. Passée. Là, c'est la 12. Je veux pas que ça parte, moi. Non, mais peut-être une autre Horror Pops bientôt, par contre. Ah, peut-être. Mais si je pleure en onde, est-ce que ça va régler les choses? Ben, il faudrait que tu pleures aux autres animateurs qui l'ont fait jouer ou pas jouer dans ce cas-ci. Okay. Hein? S'il recommence à la jouer, ça va monter. Je suis d'accord. Fait que je vais faire ça. D'accord. On est rendu au numéro 11, mais avant, on retourne ailleurs dans les palmarès. Ling, ling, ling, ling. Pour voir ce qui se passe dans le top des disques canadiens et le top des albums, on commence par le top 3 des disques canadiens. La seule nouvelle entrée est en première place, donc on va se faire un genre de zigzag, d'accord? D'accord. Troisième position, ancien numéro 1, c'est Steve Hill avec Devil at My Heels. En deuxième position, The Blue Seeds avec l'album éponyme The Blue Seeds. Et le numéro 1 est une nouvelle entrée pour Aiden avec l'album In Field and Town. Aiden qui est un petit peu partout hein, de ces temps-ci. Oui? Je vais pas vous révéler trop de choses parce que vous allez le savoir. Proche de la fin de l'émission. Oh! Mais il est numéro 1 à pas mal de places, mettons, genre. C'est un indice. C'est un méchant gros indice, hein? C'est un peu poche comme indice. C'est pas très subtil, hein? Non, pas vraiment. Un peu comme l'entrée de Cynthia Parquet-Gagnon studio, pas très subtil, hein? Ben, elle va parler avec nous tantôt. C'est pas vraiment Cynthia, en fait, c'est Amélia. Ah, c'est Amélia, excuse-moi, je regardais même pas. Je disais vraiment que c'était. J'étais sûr que c'était Cynthia, excuse-moi. Allô, Amélia, on te parlera tantôt toi aussi. Je m'excuse, sincèrement désolé. Top 30 des albums, nouvelles entrées. 21e position, Man Man avec Rabbit Pamits. 15e, c'est Creature avec No Sleep at All. La 14e, Gold Frap avec Seventh Tree. Et finalement, ben, le top 3. Ben, le top 3, la 3e position, c'est The Blue Seeds avec encore l'album éponyme de Blue Seeds. En 2e, Louis XIX. Louis XIV. Petit chiffre, Romain. Avec Slick Downs and Ponies. Et en première position, oulala, on se demande c'est qui? Aiden avec In Field and Town. Hey, on pourrait quasiment croire vraiment que je fais de la radio depuis un mois aussi. Tu t'essayes-tu de me ridiculiser? Non. Okay. Je parlais pour nous deux. Ok. On est très bon, très très bon. Oui, on est excellent. Bon. Ah, excellent. On n'arrête plus. On n'arrête pas le progrès, comme on dit. On est rendu en position numéro 11. Hey, gling, gling, gling. Ah, excuse-moi. Quoi? Merci. Ah. C'est tout? On a tourné la page. Autre chose avec ça? Non, merci. Veux-tu changer ça en poutine? Non. Non? Non. Non, OK. Position numéro 11 du côté anglophone, c'est la formation Helotrons avec Emergency Street qui monte de la 4e de 4 positions. C'était nouvelle entrée en 15e la semaine dernière. Et du côté francophone, on va entendre Dea del Cesso de El Motor qui est en 6e position la semaine dernière. Et ça se passe maintenant au palmarès, c'est fou! Dans vos oreilles! C'est quoi ton nom déjà, toi? Virginie. Pas Gérald. Non? Non. Ni Cynthia, hein? Ni Cynthia. Moi, mon nom, c'est quoi? Mathieu. C'est pas Cynthia? Jean-Christophe. C'est pas Gérald? Jean-Chrysostome. Jean-Chrysostome. Saint Terménégilde de Contrefaçon. C'est mon nom. sérieusement en train de fader puis il reste comme 30 secondes à la toune. Ouais. C'est un long fade, ça, hein? Très long fade. Très, très long fade de la formation Illotrans. Leur pièce s'appelle Emergency Street, ça monte de 4 places. J'ai moins aimé. Ben, moi, je commence à l'apprécier parce que ça fait plusieurs semaines que je l'entends. En fait, c'est la deuxième semaine, donc voilà. Mais j'ai entendu trois fois à date la pièce. OK, mais je vais peut-être commencer à aimer ça à long terme, mais pour l'instant... Tu t'engages pas trop, ça. Je m'engage pas, c'est ça. Pas de verdict à donner. Non. De verdict. Verdict. Sinon, du côté francophone, on avait El Motor avec D.A. Delicia. Ça, on aime ça. Oui. Vraiment beaucoup. Ça, même à court terme, on aime ça. OK. On est rendu aux positions numéro 10, mais avant, quelque chose de nouveau dans les palmes. Ouh là là. Oui, on va aller voir qu'est-ce qui est le plus joué dans les radios universitaires, les radios campus, les radios communautaires un peu partout au Canada, selon Earshot. Ça te tente? Ben, ça me tente en masse. Il y a des choses que tu vas connaître là-dedans, mais certainement pas la dixième, qui est Cadence Weapon avec After Party Babies. En effet, je connais pas ça. En neuvième, Hayden, qu'on connaît ici parce qu'il est numéro un partout. Partout. Presque partout. Avec Infield and Town. En huitième, c'est Forest City Lovers avec Haunting Moon Sinking. En septième, c'est Vampire Weekend avec leur album éponyme. En sixième, Shots de Lady Hawk. En cinquième, un groupe qui est sur notre top 30. C'est Born Ruffians avec Red, Yellow and Blue. Et je crois, est-ce que c'est à quelque part ailleurs aussi? C'est pas dans le top anglophone. Non. Non, pas encore. Je viens de vérifier, non? Peut-être bientôt. En quatrième, c'est Destroyer avec Trouble in Dreams. En troisième, on les connaît, on les aime, c'est Plants and Animals avec Park Avenue. Ouais. En deuxième, Black Mountain avec In the Future. Et le numéro un, c'est Crystal Castles avec Crystal Castles. La formation Crystal Castles avec leur album Crystal Castles. Mais il n'y avait pas tant de trucs que ça que je connaissais. Bon, 2-3 sur 10, c'est pas super. Ouais, ouais. Tantôt, on regardera quelque chose que tu connais plus. Oh. Le top des CD les plus vendus au Canada. Yes, ça, j'aime ça. Plus tard. Mais avant, on s'en va entendre nos positions numéro 10 du côté anglophone. C'est la formation locale Madcaps avec Hear My Prayer qui monte de 3 places. Et du côté francophone, oh, je l'aime celle-là, Monsieur Mono Ultra avec D'or, mon amour, D'or. D'or, mon amour, D'or. Mono Ultra. Restez réveillés, vous, pendant que Virginie vous chante une pièce de Mono Ultra. Que je connais juste ces paroles-là. Ouais. On appelle ça un verre auditif, je pense, quand tu dis ça. Dors, mon amour, dors. Dors, mon amour, dors. Laisse le monde à son triste sort. Et rêve, mon amour, rêve. Rêve, mon amour, rêve. Que les vents de la Les positions numéro 10 des palmarès, c'est fou. Avant de terminer la première heure, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le début. En 15e, nouvelle entrée de Hives, Won't Be Long. 14e, même chose, Creature avec Bridget Bardot. En 13e, ça continue, Goldfrapp avec Caravan Girl. En 12e, ça descend de 8 places, Thelma & Louise avec Horror Pops. En 11e, c'est Emergency Street de Hellotrons qui monte de 4 et on vient d'entendre le numéro 10 qui monte de 3 places, Hear My Prayer de Madcaps. Wow, c'était vraiment des très bonnes de 15 à 10e entrée. Genre. On peut-tu dire ça comme ça? On pourrait dire ça. On pourrait dire que c'est le premier tiers de l'émission. Oh, j'aime ça. Ouais. Ça fait plus professionnel. Du côté francophone, on avait deux nouvelles entrées, soit la position numéro 15, Piano élégant de Chocolat, et la 14e, et démorcelée de Pas Chic Chic. En 13e, on avait Mon prénom, c'est Gérald, pas Gérard, de Gérald Gentil. En 12e, Roman Savant de Tricot Machine. Et en 11e, Déa del Cesso de El Motor. Et. C'est ça. Hein? On vient juste d'entendre. Monsieur Mono Ultra avec Dors, mon amour Dors. Hey, j'espère qu'il ne nous écoute pas, il va m'en vouloir. J'espère que non. Dans la deuxième heure, on va entendre entre autres Jean-Philippe, Antoine Corriveau, Loski, Zorung. Steve Hill, Plants and Animals, One Folk, Old Folks Home, Joe Jackson. Et plein de folie. Oui. Dans vos oreilles, dans votre radio 89.1 FM. Deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2008. Elle s'appelle Virginie Cossette. Et il s'appelle Mathieu Plante. Et vous êtes les palmiers! Bon retour entre nous dans le petit foyer. Comment? Cacron. Le cocon, on pourrait dire ça, mais d'une façon plus belle, c'est un foyer. Un boudoir. Un studio. Un studio serait probablement un meilleur mot. Il y en a qui dirait le salon de ces fous. Oh. Le saloon. Mais on n'a pas de divan. Non, on a des chaises pas du tout confortables. La petite salle, la salle en petite cuirette, je l'aime bien. Oh, pour vrai, je la trouve tellement... on dirait qu'elle a coûté comme 5$. C'est pas grave, elle est en cuirette. Mais bon, trêve de plaisanterie interne à la radio. Neuvième position anglophone, c'est Old Folks Home avec In No Way. Ça monte de 2 places. Vous avez pas compris ma prononciation, c'est Old Folks Home. En effet, je me demandais un peu de quoi tu parlais, mais bref. Bref. Et du côté francophone, on va entendre un des nombreux hommes de ma vie, Antoine Corriveau, hein, avec L'Épave. Ah! Un jour, je rencontrerai Antoine Corriveau. Je te le souhaite bien. On va m'arrêter fou au 89.1. FM! La radio Cupidon. We'll be right back. but they're watching our every move. With no help, they have no army by their side, so we can tell no lies. Try and let me shoot him if they try to make a mess. It's getting up. Should be pleased with what they get, but keep a clear, strong head. The flies are moving swiftly and the parents can care less. Kubrick on TV. Our country's scared of everyone, our country's a machine. Kids off to a war while we'll drink champagne. Better when we're done, better when we're done, better when we're done, better when we're done, better when we're done, better. It's over now. What? Folk Song avec la pièce In No Way qui monte de deux places. Pièce que je réussis toujours pas à me rentrer dans la tête, mais bon, que voulez-vous. Du côté francophone, juste avant, c'était Antoine Corriveau avec l'épave qui monte de trois places. C'est bon, et hein? Voilà. T'as aimé ça? Hein? Ah, j'ai adoré ça. Je suis sûr que t'as adoré ça. Ben oui, en fait, oui. Ah, c'est fun de parler avec toi, c'est vraiment... Ben, c'est ça, je me disais, je trouvais que j'avais beaucoup de conversations. On dit ça de moi, en fait, je suis une personne qui parle beaucoup. Ouais. Je dis oui. T'es une pie, dans le fond. Ben, c'est ça, en fait, j'arrête jamais de parler. C'est pas Amélia Larrain, c'est Amélia Pie. Amélia Pie Larrain. Pie Larrain, ouais. Ou Larrain Pie. Non, Pie Larrain. Pie Larrain, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est comme bizarre. Non, mais ça, c'est plate comme blague. Ben, c'est de mon calibre, hein. Ah. OK, donc... peux-tu redonner le micro à Virginie, s'il te plaît? Juste. Merci. Bon, beaucoup mieux. Et voilà. Salut. Salut. Allô. Donc, on est rendu à nos positions numéro 8, si je regarde les choses comme il faut, là. Je les regarde en face. Et je les vois parce que ce n'est pas un homme et... Oh, allô, des seins, c'est quoi ça? Allô? Allô? C'était beau, fallait voir ça. Hein? OK. Huitième position anglophone, c'est Joe Jackson avec Invisible Man qui... Contrairement à ce que j'ai devant moi, n'est pas invisible. Oui. Hein? Ça n'a pas de sens comme blague, mais bon. Les filles, est-ce qu'on... OK. Je vais faire comme si c'était ça. Non, mais en fait, moi, je suis capable de me reprendre. OK, vas-y. Ben, c'est ça. Mais c'était juste pour dire que j'avais arrêté de rire. Que t'avais arrêté de rire? C'est fini. Okay. Pendant que Virginie est en train de se plier en deux, ben, moi, je la remplace. C'est à ça que ça sert d'avoir une cousine. Bon. Ben, crème. On va continuer comme ça pendant quelques minutes encore, jusqu'à temps que je les sacre tous les deux dehors. Au pire, on peut le mettre nous dehors. Bon. C'était une tranche absolument incroyable de radio. Juste avant le côté numéro le côté anglophone de Joe Jackson, on va l'entendre le numéro 8 francophone. Oui, c'est Je veux prendre mon char avec Jean-Philippe. Mais ce CD-là de Jean-Philippe commence avec une intro assez rigolote. Fait qu'on va rire. On va rire de cette pièce rigolote qui s'appelle Rigodon dans les palmarès, c'est fou. Oh là là. C'est mêlant, hein? Ouais, c'est difficile. Ouais. On va commencer à être sur Rigodon. Swing la vieille grise dans le fond, la loi de la caisse. C'est une marde, ça, au début. Hey, sérieux, fais beaucoup. Jean-Philippe avec « Je vais prendre mon char », on s'en va entendre certainement ma pièce préférée des Palmarès. Évidemment. Certainement et de loin. C'est Joe Jackson avec une pièce qui s'appelle « Invisible Man ». C'est super mauvais! Non, c'est pas vrai. C'est pas mon genre. On dit à chaque semaine, c'est le running gag. On l'aime pas vraiment. Maybe you'd like to know say if I was still around? Now I'm made of smoke. You see through. Regardez dans le livret ici, et les paroles, c'est « Can't touch the invisible man », c'est fini là. Je peux pas toucher à l'homme invisible. Ouais. C'est quand même logique, hein? Mais non, c'est pas vrai. Il y a plein de paroles, mais c'est juste que ça donne l'impression que c'est une seule phrase pendant 5 minutes et demie. C'est ça qui m'énerve, cette tune-là. Quand même. Puis moi, je me demande toujours quelle température il fait quand j'écoute ça. Oui, tout à fait. Mais c'est bon quand même. Je veux dire, c'est une bonne pièce, là, mais... C'est chacun ses goûts, hein? Tout à fait, chacun ses goûts. C'est très, très subjectif, mais au palmarès, c'est fou. On a le droit d'avoir une opinion. Oui. J'ai une opinion défavorable. Par rapport à cette pièce. Je suis d'accord avec toi. Bon. Juste avant, du côté francophone, on a entendu Jean-Philippe. Oui, avec Je veux prendre mon char. Ouais, tout à fait. Ça, ça a descendu de 5 places. Oui, puis pourtant, c'est bon quand même. Oui, j'aime bien. J'ai bien aimé le Rigodon avant. Oui. Aussi. Très bon, ça. Bon. Tantôt, on va écouter nos positions numéro 7, mais avant ça, Virginie. Avant ça. Avant ça. J'ai failli tout ça dans le micro. T'as failli. Mais j'ai pas. Un jour, je t'aurai à nouveau. Un jour. Je te ferai éternuer en ondes. Peut-être. Bon. Donc, c'est l'heure tant attendue, comme toujours, de parler du journal Zone Campus qui va être en kiosque à partir de mercredi. Hein? À partir de mercredi de cette semaine. Ben, de la semaine prochaine. Cette semaine, c'est la réduction du mercredi. C'est bien, hein? Ben oui, mais en tout cas, que voulez-vous? D'habitude, ça sera le lundi, là, ça va être le mercredi. En couverture, évidemment, c'est le gros dossier en ce moment. La session est compromise. Les étudiants pressent le pas. C'est le titre du numéro en cours. On parle donc du conflit entre la direction et le SPP UQTR. Le syndicat déclenche la grève générale. Vous avez certainement entendu parler de ça. Il y a un article aussi sur l'administration qui fait pression. Et sur les étudiants qui se prononcent parce que Zone Campus a commis un sondage. Non, effectué un sondage. Oui, ben, ça voulait rien dire. C'est étrange le choix de mots que tu emploies. Ben, merci. Merci. Ça me fait plaisir. J'aime ça quand tu me blasses comme ça. Je te blasse pas, en fait. Je t'encourage. Ah, ben, ça paraît pas. Ça paraît. Ah, OK. Tiens, je vais vous donner des résultats comme ça, question de les savoir sans avoir à lire le journal. Non, c'est pas vrai. Allez vous procurer le journal. Résultat, 44% des étudiants se sentent suffisamment informés sur la nature du conflit qui sévit actuellement. 64% des étudiants considèrent que l'intervention directe des étudiants dans le conflit pourra faire accélérer les négociations. 35% connaissent les moyens de pression entérinés par la dernière Assemblée générale de la GEQTR. 12% appuient la position de l'administration du QTR. D'ailleurs, il y a 46% d'abstention à cette question-là, ce qui est assez spécial. Et finalement, 33% des étudiants appuient la position du syndicat des professeurs. Il y a eu 39% d'abstention là-dessus. Voilà. Ensuite, il y a aussi un article sur une affaire pour l'opération Enfant Soleil. Ça s'appelle « Une fleur, un cœur et un soleil ». Toujours dans le dossier de l'Assemblée générale, ben en fait, du SPP-UQTR, du conflit syndical, il y a un article sur l'Assemblée générale spéciale de la GUQTR. Les étudiants étaient réunis pour faire le point. Et un autre article qui s'appelle « Les étudiants s'immiscent dans le conflit ». L'éditorial s'appelle « Heureux d'un printemps ». Qui me chauffe la couenne. Qui me chauffe la couenne. Il y a aussi un article sur le gala Implication. Il y a une section vie étudiante, comme toujours. La question Vox Pop cette semaine, c'est « Considérant la grève des professeurs, êtes-vous plus ou moins stressé face à la fin de votre session? » Ensuite, les étudiants sont appelés aux urnes, vous le savez peut-être, et peut-être en fait que vous le savez pas, parce que ça arrive avec les élections de la GEQTR que les gens s'en foutent un peu. Il faudrait pas. Taux de participation qui est quand même très faible. Toujours dans le coin de 10% chaque année. C'est plutôt plus que très faible. Plutôt en fait. Pas très représentatif des étudiants, malheureusement. Ça fait, c'est ça. Mais bon. Donc, les étudiants sont appelés aux urnes. Renseignez-vous et participez à ces élections-là. Il y a aussi Marc Benoît qui dénonce une atteinte à ses droits dans cette même page. Et finalement, un article d'opinion. L'éducation doit être au centre du débat institutionnel, dit Tommy Grenier. Il y avait aussi la chronique de Guillaume Jalet-Janson qui s'appelle « Je vous aime, moi non plus » cette semaine. C'est « La meilleure manière de tuer un universitaire », son titre. C'est fou, hein, quand même. Bon, art et spectacle, le 20e salon du livre de Trois-Rivières sous la présidence d'honneur de Brian Perrault. Vous avez certainement entendu la publicité assez fou. Il y a aussi un article sur des auteurs à redécouvrir ou encore à découvrir, des diplômés de l'UQTR qui vont participer à ce salon du livre, dont Frédéric Durand qui anime Le Voyage insolite ici même sur les ondes de C'est fou les lundis soirs. Toujours en arrêt spectacle, citoyens engagés, deux rendez-vous à ne pas manquer. On parle toujours du Salon du Livre. Il y a aussi un article sur l'improvisation, la Luître qui va être en finale les 7 et 10 avril. Une critique du spectacle des Chicken Swell. On dit délire et longueur. Respire, Mathieu, maintenant. Est-ce que j'avais l'air de perdre mon souffle? Je trouvais que ça allait bien, moi. Ça allait très bien, mais tu parles beaucoup. Oui, et je n'arrête pas et je parle beaucoup trop vite. Je suis au courant de mes faiblesses. Non! C'était même pas du chiolage pour une fois. Ah! En tout cas, peut-être un petit peu soupe au lait. Hein. Ben là, c'est ça. Un petit peu susceptible, je sais. Une autre de mes faiblesses dont je suis au courant. Ensuite, on parle d'université en spectacle. Retour sur l'événement université en spectacle. Personne de l'UQTR a gagné. Ah. Dommage. Ouais. La première position, c'est un pianiste de l'UQAM. La deuxième, c'est Pascal Larouche de l'Université Laval. Et le coup de cœur, c'est Sébastien Renaud de l'UQAM. Donc, c'est pas mal l'Université Laval et l'Université de Montréal qui ont gagné. Et voilà. Voilà. Ça me rappelle, il y a une page publicitaire dans le Zone Campus qui demande à vous, là, les étudiants, vous, tous les gens de la communauté, si vous voulez bien animer Assez Fou cet été. Ah. Vous avez la chance de le faire. Venez animer sur nos zones. On dit, viens donner ton show. La date limite, c'est le 11 avril. Vous envoyez, vous allez chercher le formulaire sur le cfou.ca et puis vous l'envoyez à progcfou@qtr.ca. C'est bon, hein? Et voilà, aussi simple que cela. Toutes les informations sur le site web cfou.ca. Toujours en arrêt spectacle, on commence à prendre pas mal de temps avec ça, le tour du Zone Campus, mais quand même. Exposition de Normand Boisvert, 40 ans d'inspiration. Il y a un concert printanier de l'ensemble vocal de l'UQTR et un projet d'exposition et d'échange culturel entre le Québec et la France. C'est l'exposition Traversée. En sport, une fin un peu rapide pour les Patriotes soccer. On demande aussi où est la communauté universitaire. Le centre IPIC Saint-Georges, un petit article plein air là-dessus. UQTR qui dévoile son horaire d'été. 4 Patriotes à l'honneur dans le hockey. Il y a évidemment vos statistiques sportives. Et puis, une saison exceptionnelle pour les filles. On parle de soccer féminin. Et puis, il y a aussi la Patriote de la semaine. Voilà pour votre journal Zone Campus qui est en kiosque à partir de mercredi. De cette semaine. Oui, ben mercredi, en fait, celui qui va être juste là. Le prochain, celui qui s'en vient. Le prochain ou celui qui est en cours, dépendant de quand vous l'écoutez. Le plus proche, parce que si c'est celui qui est le plus proche, ben qu'on soit mercredi ou qui s'en vienne, c'est le plus proche. Ben tu vois, ça c'est l'expression exacte. T'es forte, Amélie. Le mercredi le plus proche. C'est certainement pas Virginie qui répond à ça. Ah, mais là, voyons donc. C'est parce que je suis ta cousine, t'as pas le droit de l'insulter comme ça. Qu'est-ce que tu m'as lancé? Un bouchon de trucs, apparemment. Bon, OK, on est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone. C'est Isle of Thieves avec Hollywood Cleft Lip qui monte de 3 places, mais avant. Non, je suis pas prête. Virginie n'est pas prête, Amélie. Mais avant, la position numéro 8. Zorung, remixé par Asirka. Voici 1981. Pas mal, c'est fou, 89.1 FM. Dans vos oreilles. On essaie de se faire des signes de main, un peu comme dans Fort Boyard, tu sais. Il faisait, tu sais, c'était comme trois, c'était très... deux doigts là, puis un doigt là. Wow, je me souvenais pas de ça, avec le petit nain qui s'appelait Passe-Partout. Non, mais ça avait pas rapport à faire des signes de main comme ça, c'était trop drôle. Mais on aimait ça. Oui. Faudrait ramener ça comment dire, dans la culture populaire québécoise. Je suis d'accord. De faire des signes de main pour des chiffres. Mais ça repasse au canal français. Oui, oui, je sais, mais c'est la version française. Ben, ils ont les mêmes nains. Ouais, c'est ça. Mais c'est les nains qui sont importants dans cette histoire-là. Tout à fait. C'est certainement pas Guy Mongrain ou l'autre, là. Hein? Non. J'ai-tu dit Guy Mongrain? Ouais. Guy Mongrain. Encore mieux. Encore mieux. On vient d'entendre les positions numéro 7 du côté anglophone. C'était Isle of Thieves avec Hollywood Cloud Trip qui monte de 3 places. Et du côté francophone, je vais pas me planter comme tantôt, c'était 1981 de Zurung. Remixé par Asirka. Non, mais ça, c'est pas écrit sur ma feuille. Faut le savoir. Ben, c'est ça. C'est pour ça que t'es là. Hein. Et tu dis que c'est pour ça que je suis là. En tout cas. Ouais. Disons pas les autres raisons pour lesquelles je suis là. Ben, y'en a pas d'autres. Non? Non. C'est juste pour te dire des affaires puis te corriger? Ouais, ouais, ouais. OK, bon, ben, maintenant que je connais... T'aimes tellement ça, en plus que... J'adore ça! Voilà. Pire. Tantôt, on va aller entendre le numéro 6, Plants and Animals, et le ski, mais avant. Avant? Avant ça! C'est l'heure de savoir ce qui se vend le plus au Kennedy. Au Kennedy. Moi, j'aime ça, tu m'avertis jamais avant de faire les chroniques. Jamais. C'est mon plaisir. C'est une autre de mes missions. C'est pour la semaine qui se termine le 27 mars 2008. Selon Nielsen Soundscan, on va commencer par quelques nouvelles entrées. En 32e, on retrouve Daniel Lanois avec Here Is What Is. Mm. En 30e, la compilation MC Mario Mixdown 2008. Quelque chose qui risque tellement pas de jouer assez fou. Non. En 5e position, autre chose qui ne risque pas de jouer assez fou, on fait le top 5 au complet. Ça jouera jamais assez fou cette Est-ce semaine. Est-ce que du Rihanna? Non. Il faudrait que je cherche pour savoir où est Rihanna en ce moment. Est-ce que tu dis Céline? Céline, tu m'en demandes des affaires, toi? Mais oui, je sais, mais c'est ça que j'aime chanter en anglais. Rihanna, attention, Rihanna est en 22e position. Please don't stop the music. C'est fait. Hey, je suis heureuse. Peux-tu croire que Céline n'est pas dans les CD les plus vendus? En tout cas, oh là là! Peut-être que si je cherche Dion, ça pourrait être mieux. Ah oui, Céline Dion, c'est parce qu'il n'y avait pas d'accent. Taking Chances est en 44e place. Il me semblait bien aussi qu'elle ne pouvait pas s'en aller de là. Ça va pas super bien pour Céline au Canada, il me semble. Non, mais au moins elle a. Je pense que les gens qui voulaient l'album se l'ont procuré dès la première semaine et puis on n'entendra plus parler de ça dans les ventes. C'est tout déjà acheté. Et voilà. Genre. Dans le coin de Noël, ça devait se vendre pas mal, par exemple. Probablement, avec le DVD et tout, là. Voilà. On était rendu donc à la 5e position, Isabelle Boulay avec Nos Lendemains qui descend de 2 places. En 4e, c'est une nouvelle entrée, le nouvel album de Flo Rida, Mail on Sunday. Hein? En 3e, ça monte de la 7e, Anna Montana 2, Meet Miley Cyrus, la trame sonore. Non, non, non. Absolument. Non. La 2e, c'est l'ancien numéro 1, Jack Johnson, Sleep Through the Static. Et la première position est une autre nouvelle entrée, Bryan Adams avec 11. Au moins, Jack Johnson, c'est bon. Puis Bryan Adams... C'est écoutable. C'est un style. C'est ça. Jack Johnson, ouais, c'est quand même bon. Moi, j'aime bien Jack Johnson. Mais tu connais pas ses albums plus récents, t'es même pas capable de chanter une tonne de lui. Là. Non, mais non, mais là, ça me vient pas comme ça. Là. C'est pas un artiste que j'écoute régulièrement. Ça me vient pas comme ça, c'est ça qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a dit. Ça fait longtemps qu'on a pas fait ça. C'est vrai, hein? Pensez-y. Oh. Position numéro 6 du côté anglophone, on va l'entendre Plants and Animals avec Good Friend qui descend d'une place. Et du côté francophone, on va écouter le Husky avec Les filles sont comme des oiseaux. Oui, comme les petits pit-pit. Restez avec nous parce que dans le prochain segment, on va l'entendre ce qui se passe cette semaine. À Bidon-Ladon, la question! Ouh là là, ça, c'est un bon segment. C'est un petit peu plus tard dans les palmarès C'est fou. Un condensé de ce que C'est fou a de meilleur à vous offrir au 89.1 FM. Des oiseaux, j'ai cherché du réconfort Vous écoutez les palmarès, c'est vous pour encore environ 70 minutes avec Mathieu Plante et Virginie Cossette. Ça, c'était le Husky avec Les filles sont comme des oiseaux en 6e position francophone. On s'en va entendre Plants and Animals avec Good Friend qui descend d'une place du côté anglophone. Restez avec nous parce que dans à peine 6 minutes après Plants and Animals, on va voir ce qui se passe cette semaine à Vidon là dans la question, l'émission humoristique extrême de C'est fou. Mais pour l'instant, on continue avec notre émission telle que planifiée sur notre joli petit horaire. Ça vient dit, hein? It takes a Plants and Animals avec Good Friend, position numéro 6 anglophone, ça descend d'une place. Ouais, on est un peu triste, mais en même temps, pas tant. En même temps, pas tant. Wow, quelle belle façon de s'exprimer, ça. Ben, j'aime pas tellement ça. OK, bon, mais peux-tu juste dire le numéro 6? Oui, francophone, c'est là, ce qui, avec les filles, sont comme des oiseaux. Piu-piu-piu. Ça vient de l'album Chanson moderne pour cynique romantique. Oui. On est rendu à nos cinquième positions, c'est-à-dire Gatineau. Oh! Oh! Et Steveville. Mais avant, Virginie. Oui. Sais-tu quelle heure il est? Dis-moi pas l'heure pour vrai. Non, je sais pas quelle heure il est, Mathieu. Bon, me semble aussi. C'est l'heure d'aller voir ce qui se passe cette semaine. Vitons-la dans la question. Aujourd'hui, vidons-la dont la question flambe son argent. Vous aimez ça quand on commence l'émission avec une introduction à grand déploiement? Vous frissonnez de plaisir lorsque vous entendez un laser ou bien une explosion? Et vous pensez que tout ça, c'est gratis? Eh bien, détrompez-vous! Faire sauter un gros pétard! $250 de la chute! Tirer un coup de laser! $1,200 de la chute! Payer Bernard de Rome pour qu'il jouisse à la radio avec un baillon dans la bouche! Moi, je pense qu'il serait prêt à le faire gratis! Bonsoir, mesdames et messieurs. De dispositifs onéreux pour une intro grandiose. On vient de faire sauter une Honda Civic juste pour vous. $23,000. Et en plus, elle avait des mags. Et c'est pas fini. Combien vous pensez que ça coûte payer une personne pour rire de nos jokes? $20 de l'heure. Si on a besoin de payer 100 personnes pour rire de nos jokes? $2,000 de l'heure. Et si on a besoin de louer le Centre Bell rien que pour avoir un beau reverb sur le rire? $100,000. Et dire que maintenant on est obligé de les faire exploser? Hi, this is David Bowie. Hi, this is Alanis Morissette. Hello, ici mon oncle Serge. Est-ce que ça enregistre ton affaire, là? Hello, everybody. This is George Harrison. On a payé un énorme cachet à chacune de ces célébrités! Et on vient de scier une vache en deux! Bon! Yeah, man, on l'a fait! Quelle bonne intro! Hey, ça faisait longtemps que j'avais envie de tout dépenser notre argent, là, rien que dans l'intro. Flamber ça d'une shot, yes! Là! Fait que là, on n'a plus une scène. Non, c'est fini. Fait que plus de sketch. Pas de sketch pour aujourd'hui. On a tout fait ça au début. On a plus d'argent à faire du montage. Excusez. Non, puis on a même plus d'argent non plus pour faire jouer de la bonne musique. On est obligé d'aller sur LimeWire. Puis on va se trouver une toune gratis. On va essayer de pas se faire pogner, là, mais on va pogner de quoi qui est libre de droit. OK, un mix de toune qui parle de Lila. Ah! C'est printanier ça en plus. Ben non, mais ça fit, là, ouais, on veut jouer ça. Alors, un pot pourri de chansons qui parlent de Lila. Juste pour vous. Je suis allé courir à l'îlot, cueillir un lilas dans une odeur de lilas. Tous les lilas de mer. Et des sous des lilas et des souliers lilas. Et des souliers lilas, lala, souliers lilas. Porte lilas. Du joli temps, lilas. Entre lilas et rosas. J'ai mis la des lilas, frais de gazelle, des ruelles. Je suis le poinçonneur des lilas. Un lilas pour Eulalie pour un lilas. Tous les lilas de mai. Quand reviendrez-vous, monsieur lilas? Henri de la Porte des lilas. Je n'achète que des lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Je n'ai gentille dernier lilas. La la la la la la la la. Paris tout entier vous saluera, Monsieur Lilas. Vite, on attend la question. Je pense que Virginie n'était plus capable d'entendre parler de Lila. Moi, le pot pourri Lila, c'est non merci pour moi. C'est ce qui s'en va dans la prochaine édition de l'émission humoristique extrême Vidon la dans la question avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Intro que j'ai vraiment particulièrement aimé cette semaine. J'ai très hâte d'entendre le reste de l'émission, qui est apparemment très très drôle aussi. Probablement, comme à toutes les semaines. Comme toujours, les gars de Vidon la dans la question qui font toujours du très bon travail. C'est diffusé sur nos ondes les mercredis à midi. En rappel, les vendredis à 9h et les samedis aussi à midi. Soyez là pour ça, Vidon la dans la question sur les ondes de C'est fou! 89.fm. Allez voir dans vos oreilles. Et allez voir le vidonladon.com pour entendre des sketchs et en savoir plus sur les deux garçons. Il y a le MySpace aussi. MySpace.com/vidonladon. L'un mène vers l'autre, mais l'autre ne mène pas vers l'autre. Ouh là là. C'est comme un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas nécessairement carré. Hein? On en apprend des affaires, la vidonladon, la question. Quand tu me fais des cours de maths, je vais m'en aller. Pas de maths pour toi, hein? Non. Mais maths, c'est moi, pas de maths pour toi, donc ça voudrait dire que... Oh mon Dieu! On se croirait à l'émission humoristique extrême, mais dans la question. Mais nous ne sommes pas là. Mais en beaucoup moins drôle. Et voilà. Voilà. Position numéro 5, anglophone, on va l'entendre, Steve Hill avec Even qui descend de 3 places. Mais justement, Gatineau avec Rap Maudit. Gatineau! Restez parce qu'un petit peu plus tard, ici dans les Panneries C'est fou, on va avoir entre autres la chronique Le Plancher. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides. On aime ça. J'ai tellement hâte de faire partie de ce segment-là. Tu veux faire partie de ce segment-là? Oui, tu parles de moi dans ce segment-là. Ben, fais quelque chose de stupide, puis ça s'en vient. Ben, j'en fais tout le temps, puis vous n'en parlez pas. Non, mais on préfère à la place étaler ça à travers l'émission, tu sais. Ah, okay. Le mentionner à chaque fois que tu dis quelque chose de stupide, que tu te trompes, ou que tu dis pas la bonne position, que tu t'entends dans tes mots, que tu montes tes seins en ondes, tu sais. Ben oui. Hein? Oups! Oh! Quelqu'un est arrivé en retard, hein? Ouais. Enfin. Nous sommes numéro 5, voici Gatineau et Rap Maudit dans vos oreilles au 89.1 FM. Allez voir sur le cifou.ca pour écouter l'émission en direct si jamais vous devez quitter votre maison ou quitter votre auto pour aller dans votre maison. Hein? Si vous n'avez pas Internet. Ouais, comme un de nos auditeurs qui a appelé tantôt, là, il n'y avait pas Internet chez eux. Comment peux-tu survivre? Je sais pas. Je sais que je le ferai jamais. Je ferai même pas le test. Rap Maudit, Gatineau tout de suite dans 3, 2, 1. 1. Là. Votre entrée, j'oublie à mon bouvard étage pour que le public, ben que je monte, saigne pour le poème, lutter pour le thème, poète c'est l'intime, vite dans le fond de la forme comme il faut, ça sent que mes sonnets sonnent, finalement faux, je l'embrassis. Parler de syndical, c'est toute la longueur de mes lignes horizontales, mais la seule pause qui se pose pour poser aussi brutal, je laisse ça sortir, ou je le ravale, je retiens-tu le flow, ou je m'en avale, ben joue sérieux. J'ai ce tulip court au mot qui est dans mon âme, des balles. La lit la littérature, qu'elle déborde de bord en bord jusqu'à bordure. La marmite des mots illicites. C'est le même qu'on essaie de des silences tacites. Des va-violents d'envergure. Au fur et à mesure, j'essuie la suite sur ma figure. Enfin, l'en peu de jus qui s'agite. Que par ma flamme, l'endemme des colles de flamme, elle ressuscite. J'ai le pouvoir, me voir dans le miroir, dans le crâne noir, dans le blanc des yeux, déjà présent dans l'auditoire. Écris mon histoire, amène mon écritoire avec mon répertoire et la valade des vieux grimoires. Écris au singulier, mec, pas contre chaque parcelle. C'est pour le public une partie de l'universel. Leur expérience respective à mon échelle. Que ça soit, c'est beau, MC Berruté, oh. J'attends le poème signifiant. Certifié mon talent tout en me sanctifiant. J'aimerais mon âme à mes fils tout en défiant.

des studios du 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou! Oh ouais! Ouais! Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2008. Elle s'appelle Virginie Cossette. Et il s'appelle Mathieu Plante et non pas Gérald Plenty. Plenty? Gentil. Gérald Gentil. Gérald Gentil. Oh, les petits chiens viennent manger dans nos mains. Ben oui. Comment on dit? C'est Mathieu Plante, c'est pas Gérald Gentil. Non, Mathieu Plante, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Allô. Dans cette deuxième heure, on va entendre les positions 4 à 1. Oui, on va essayer de se rendre jusqu'au numéro 1 d'ici la fin de l'émission. On va être capable. On va se serrer les cuisses, comme on dit. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Ouais. On va voir aussi le plancher. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides un petit peu plus tard. Mais avant ça, position numéro 4 anglophone, c'est de Mars Volta avec la pièce à Berrincula qui monte de 4 places précédée du Roi Poisson avec premier rang. C'était le numéro 1 la semaine dernière, si je me rappelle bien, le Roi Poisson. Oh, ben oui. Descendre de 3. On a un nouveau numéro 1. On a une nouvelle pièce au premier rang. Qu'est-ce que ce sera? Quelque chose de gros, quelque chose de big! Think big, man! Palmarès, c'est fou, 89.1. Dans vos oreilles, FM. FM. Retourne au premier, retourne au premier. Operation Stalking. Plans have forgotten me 99 times. Oh, this is a fun town, this is a fun town. Down this is sad, left it back down. This is a fun town, this is a fun town. La voix est brumante, signe que j'accrase. Pour pousser la réplique, la tête oblique. This is a fun town, this is a fun town. Down to the side, left the past down. This is a fun town, this is a fun town. Ajoutez multicolore à mes quatre temps. La conclusion trésor, un désir d'éclat. Left it back down. This is a fun town. This is a fun town. Down this is sad. Left it back down. This is a fun town. This is a fun town. And I've tried so many days. J'aurais pas pu mieux dire. Tu passes tellement en onde trop rapidement. J'aime ça faire ça, ça. Moi, je trouve ça cool. Tu sais? On vient d'entendre The Blue Seeds avec Barcelona, l'ancien numéro 1 anglophone. Ça descend donc de deux places. Oui, justement, c'était notre position numéro 4 la semaine dernière. Ça monte d'une place. Bombe au chlore de saveur marmelade et ou bartende. Bartende, oui. OK. Avant ça, c'est les quatrièmes positions du côté anglophone. On a entendu The Mars Volta avec Aberrinkula qui monte de 4 places. Et le Roi Poisson avec premier rang. Oui, qui était au premier rang la semaine dernière. Oui. En fait, ça a été numéro 1, ça a descendu, ça remonte au numéro 1, ça redescend. Et là, la pièce dit retourne au premier rang sans cesse pendant la chanson. J'espère que ça va revenir encore une fois. J'espère aussi. Au numéro 1. Bon, on verra en temps et lieu, comme tu dirais. Ouais. On est rendu aux positions numéro 2. Des palmarès, c'est fou. Il nous reste les deuxièmes et les premières avant de s'écouter un petit peu de chansons que nous, on aime bien à la fin de l'émission. Là. Est-ce qu'on se les... Excuse-moi, j'ai coupé. Non, vas-y. Est-ce qu'on se les joue back-à-back? Les deux et les une? Ouais. Mais quelle extraordinaire idée, Virginie. Je sais, j'ai ça, les bonnes idées. Wow, j'adore ça. C'est révolutionnaire. Jouer 4 tunes de suite sans aucune interruption publicitaire. On fait ça seulement à C'est fou. Ouais. Pas mal juste assez fou. On a-tu une... juste là. Je pense qu'on a une interruption à faire, par exemple. On va en faire une. Une petite. Une dans demi-heure, tu sais. On en fait une par demi-heure. Alors, voilà. Fais-les-en, là. T'sais. Pas si pire que ça. Pantoute. Hey. Calculez le nombre de minutes qu'il y a de publicité dans les radios commerciales juste pour voir. Juste pour le fun. Hein? Puis après ça, venez dire qu'ils sont meilleurs que nous autres. Okay. Numéro 2 anglophone, c'est Louis XIV avec Guild by Association qui monte de 7 positions. Et du côté francophone, c'était la 13e position la semaine dernière. Oh! C'est une remontée fulgurante. C'est les gigolos avec la guerre des mondes. Tu vois comment on en passe de la bonne musique ici. Wow! Les gigolos et puis Louis XIV qui monte en flèche. On adore ça. Et en passant, quoi? Vas-y, non, non, non, non, non, j'ai rien à dire. T'as rien à dire, ça apparaît pas. Quel pire. En tout cas. Donc, ça pour dire que les numéros 2 cette semaine, ce sont nos positions de la semaine. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Et les voici tout de suite. Au Palmarès, c'est fou, 89 FM dans vos oreilles. Oreilles! Le FM!

city lights to coffee clothes. And now you know how we feel. We're like spokes in a wheel of a bike in some field. Take it easy, it's what we need to do right now. Cool and breezy, not the words I'd use for how I see us around this uptight town. The electronics just weighing us down. Textbooks in a wheel of a bike in some field. Oh, we are riding along through the streets before dawn with no sense of what's right. Les grands numéro 1 de cette semaine dans les palmarès, c'est fou, mais avant de dire nos numéro 1, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le début de la troisième heure du côté francophone, Virginie. Du côté francophone, en quatrième position, on avait premier rang du Roi Poisson. En troisième, Bombe au chlore de Saveur Marmelade. En deuxième, qui a fait, ma foi, une remontée fulgurante, La Guerre des mondes des gigolos. Je vais te laisser faire les autres, puis on fera le numéro 1 après. J'aime ça, c'est très bien fait. Quatrième position anglophone, c'est Abrincula de la formation de Mars Volta. En troisième, c'était l'ancien numéro 1, Barcelona de The Blue Seeds. En deuxième, montée de 7 pour Louis XIV avec Guilt by Association. Yeah. Vas-y. En première position du côté francophone, on avait tout est atomisé de Petit Big. Un jour, on fera ça comme fou, là. Un jour. Numéro 1 anglophone, c'est Aiden qu'on vient d'entendre avec la pièce Infield and Town qui monte de 2 places. Ça vient de l'album Infield and Town. C'est ça fait le bon tour. Oui. C'était une très bonne semaine pour les palmarès. C'est fou pour la semaine du 28 mars au 3 avril. On va avoir le temps pour quelques pièces bonus. Quelques. Oui. Juste quelques-unes. T'en as choisi une de City and Color pour commencer. Oui, c'est Save Your Scissor, une pièce que j'apprécie particulièrement ces temps-ci. Moi, je vais vous faire entendre une pièce de la formation Man Man. On a reçu ça cette semaine assez fou. Leur album, c'est Rabbit Habits. On va écouter ça juste après, mais pour l'instant, voici City and Color dans les palmarès. C'est fou! Save your scissors for skin. My surface is so tough, I don't think the blade will dig in. Save your strength, save your wasted time. There's no way that I want you to be left behind. Go on and save your scissors. Save your scissors. Turn around, somebody falls in love with me. This has never been my sole intention, and I have never claimed to have patterns on such inventions. Just save your scissors for someone else's skin. My surface is so tough, I don't think the blade will dig in. Save your strength, save your wasted time. There's no way that I want you to be left behind. Go on and save your scissors. Save your scissors. Something that I must confess to you tonight, to you tonight. And that is, I expect nothing less from you tonight, from you tonight. Go on and save your scissors. Save your scissors. Ah, City and Color avec Save Your Scissors. Mm. C'est si bon. Oui, très bon. Maintenant, ben, c'est l'heure de parler de gens stupides qui font des choses stupides. Voici la chronique Le Plancher. Oui, vous l'avez attendu. Et voici notre tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides. On commence par un garçon de 3 ans qui a enfermé en Allemagne sa mère dans une remise, dont elle n'a été libérée que grâce à l'intervention de policiers. La jeune femme s'était rendue dans la remise de l'immeuble pour y chercher son vélo quand son chérubin a claqué la porte, selon la police. De l'intérieur, la mère ne pouvait pas ouvrir la porte et l'enfant n'y est pas parvenu de l'extérieur. La jeune femme avait sur elle son téléphone portable et a contacté la police pour qu'on vienne la secourir. Loin d'être traumatisé, l'enfant s'est montré visiblement ravi de sa petite farce. On indique les policiers dépêchent sur place. Il a même confié qu'il aurait préféré que ça dure un petit peu plus longtemps. On continue avec la police de Brno à Prague, qui a été submergée d'appels de personnes angoissées à cause de ce qui semblait être des engins explosifs installés dans le centre-ville et qui n'étaient en fait que des copies factices, utilisées pour une campagne publicitaire, selon la police. Les faux bâtons de dynamite fixés en hauteur avec des fils électriques sur des horloges municipales ont été installés à l'initiative d'une entreprise locale spécialisée dans la programmation. Le porte-parole de la police, cité par l'agence CTK, a déploré cette publicité insensée et déplacée, tout en soulignant que les autorités n'avaient aucun moyen légal pour faire enlever les objets. Brno, qui compte 370 000 habitants, est la seconde plus grande ville du pays après la capitale Prague. Voilà, le pays n'est pas Prague, évidemment, ce que j'avais dit tantôt. Bon. Et on termine avec un homme, alors qu'il venait commettre, qu'il venait de commettre un vol à l'étalage dans un magasin de Kerkrade aux Pays-Bas. Il a laissé derrière lui une preuve pour le moins gênante, son fils âgé de 12 ans. Surpris en flagrant délit par le gardien de sécurité du grand magasin, le voleur a couru jusqu'à sa voiture et a réussi à s'enfuir sans prendre la peine d'emmener son fils avec lui. Les autorités l'ont finalement contacté, mais le malfaiteur a d'abord refusé de venir chercher son fils, suggérant aux policiers de coffrer la mère de l'adolescent en échange. Il s'est finalement rendu à la police. Bref, fait le tour du monde, des gens stupides qui font des choses stupides. Les liens sont sur le www.unechance.com si ça vous intéresse. Alors que nous, ben malheureusement, c'est déjà la fin des palmarès. C'est fou, Virginie, peux-tu croire quelque chose comme ça qui arrive aussi vite? Ça n'a même pas de bon sens. J'ai un peu de peine, mais il faut faire avec. Ouais, mais bon, que vous dites. Pas grave, on va être là la semaine prochaine. Tout à fait, puis à partir... rediffusion. Oui. Vrai. À partir de 17h les vendredis soirs, c'est toujours les palmarès, c'est fou. On vous retrouve aussi avec la rediffusion les mercredis après-midi à 15h. Ce qui nous suit le vendredi soir, c'est la dernière porte à gauche avec Kiwan. Si vous écoutez le mercredi après-midi, c'est Frédéric Lévesque. C'est donc qui nous suit avec son émission L'Assaut. N'est-ce pas vrai? C'est vrai? Tout est vrai là-dedans? C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Moi, je vous retrouve à la connexion et dans le poste d'écoute. On se quitte avec une pièce de la formation Man Man. On vient de recevoir l'album cette semaine qui s'appelle Rabbit Habits. Et la pièce qu'on va l'entendre s'appelle Mr. Young Stuff. Virginie, merci. Mathieu, merci. Respire maintenant. Je respire. Je vais prendre le loisir de respirer pour le reste de la soirée pour commencer pour l'émission d'aujourd'hui. À la prochaine. Faites attention à vos genoux. Bonne soirée et bonne chance. Chance. Chance. Bye, Virginie. Merci. On fait ça vite des fois. Ben, de rien. Merci, Mathieu. Bye. Bye. Bye. Been locked down way too long, I've been